Chapitre 47e. Comment la fiancée fut reçue au manoir et qui fut invité au mariage. C'est ainsi, après tout, que Franck remplit son grand devoir. Il épousa une dot, ou pour mieux dire, car nous anticipons, il s'engagea à épouser une dot. Et quelle dot ! Les richesses des Scatcherd surpassaient de beaucoup celles des Dunstable, de sorte que notre jeune héros avait rempli son devoir de manière à mériter la plus haute approbation de tous les deux Courcy du monde. Et cette haute approbation ne lui fit pas défaut, mais qu'il fût fêté par les deux Courcy et les Gresham pour avoir rempli d'une manière si exemplaire son devoir envers sa famille, qu'il fût choyé et caressé à présent qu'il ne méditait plus le crime abominable qui avait été un sujet d'effroi pour sa mère, cela n'avait rien que de très naturel. Il y avait une autre personne à fêter et à encenser, une autre mortelle appelée aussi à remplir son devoir envers la famille Gresham, de manière à mériter les plus tendres, les plus chaleureuses caresses de Lady Arabella. Chère Mary, après tout, il n'était pas étonnant qu'elle fût disposée à agir si convenablement, vu que dans son enfance elle avait joui des avantages de la bonne éducation qu'on recevait à Greshamsbury, mais elle ne méritait pas moins que ses vertus fussent reconnues, louées et même l'objet d'un culte tout spécial. Il me serait impossible de dire comment se termina l'entrevue dont nous avons parlé dans notre dernier chapitre. Je sais seulement que Franck restait à dîner chez le docteur et que sa pauvre mère, qui ne voulait pas se retirer avant de l'avoir embrassé, remercié, béni pour tout ce qu'il faisait pour sa famille, l'attendit dans son cabinet de toilette jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Ce fut le squire qui apporta la grande nouvelle au manoir. « Arabella, dit-il d'une voix lente et grave, vous serez surprise de la nouvelle que j'ai à vous annoncer. Mary Thorne est l'héritière de Sir Roger Scatcherd. Oh ciel ! Monsieur Gresham ! Oui, en vérité, il en est ainsi, c'est très, très... » Lady Arabella avait perdu connaissance. C'était une femme qui savait ordinairement maîtriser ses sentiments et ses émotions, mais ce qu'elle venait d'apprendre en était trop pour elle. Lorsqu'elle reprit ses sens, les premières paroles qui s'échappèrent de ses lèvres furent « Chère Mary ». Il fallait au moins une nuit de repos pour apaiser l'agitation que cette nouvelle avait causée dans tous les esprits. Si nous avons réussi à peindre le véritable caractère du squire, on aura vu que ce n'était pas un homme qui tenait à l'argent pour l'argent lui-même. Mais il avait tellement eu à souffrir du déplorable état de ses affaires qu'on ne peut s'étonner si cette nuit-là ses rêves le transportèrent dans un Élysée enchanté. La richesse ne venait pas à lui, il est vrai, mais il avait plus souffert pour son fils que pour lui, et maintenant que ce fils allait devenir son seul créancier, il lui semblait que des montagnes entières étaient enlevées de dessus sa poitrine. Quant au rêve de Lady Arabella, ils la transportèrent dans le septième ciel. Ne jugeons pas trop sévèrement son égoïsme. C'était de l'égoïsme maternel. Franck serait infailliblement le premier député du Barsetshire. Il représenterait le comté et il allait sans dire qu'il aurait sa maison à Londres. Cette maison ne serait pas à elle, il est vrai, mais la grandeur de son fils lui suffirait. Il aurait Dieu savait combien dépensé par an, et tout cela par Mary Thorne. Quelle bénédiction qu'elle eût permis que Mary Thorne eût été élevée au manoir, chère Mary. Elle en sera maintenant une, dit Béatrice à sa sœur. Pour elle, dans ce moment, une faisait allusion à l'essaim de jeune beauté qui devait l'accompagner à l'hôtel. Que ce sera charmant. Je ne sais trop ce que je lui dirai demain, mais je sais au moins une chose. Et laquelle ? Demanda Augusta. Elle sera aussi douce et aussi humble qu'une petite colombe. Mais si elle et le docteur avaient perdu jusqu'au dernier shilling, elle sera aussi fière qu'un aigle. Il faut convenir que la sagacité de Béatrice n'était pas en défaut. Augusta n'envisageait pas cette affaire sous le même point de vue que sa sœur. Non qu'elle envia à son frère son bonheur, ni à Mary sa fortune, mais ses idées de convenance, nous devrions plutôt dire les idées de Lady Amelia, n'étaient pas complètement satisfaites. Pauvre Augusta, victime de cette sévère philosophie que la dernière de sa famille, elle mettait en pratique avec tant de courage et de soumission. La dernière, excepté toutefois Lady Amelia. Et Franck. Comment dormait-il cette nuit ? Quant à lui, du moins, nous pouvons affirmer sans crainte que ses plus heureuses pensées ne lui étaient pas inspirées par l'immense fortune qu'il allait acquérir. Mais ce n'en était pas moins quelque chose que de pouvoir rendre Boxall Hill à Greshamsbury, que de pouvoir remettre à son père ses titres de la propriété, depuis la séparation desquels le squire n'avait pas connu un seul jour de bonheur. C'était quelque chose que de reparaître devant ses amis comme un gai et jeune squire, et non comme un fermier forcé de gagner son pain. Nous ne voudrions pas qu'on le crût meilleur qu'il n'était, ni le représentait comme fait d'une autre argile que le commun des mortels, mais il se réjouissait en songeant la fortune de Marie, et son cœur bondissait d'une joie plus pure à la pensée d'un bonheur indépendant de la fortune elle-même. Et que dirons-nous des rêves de Marie ? Pour elle, ils se bornèrent entièrement à ce qu'elle allait donner et non à ce qu'elle allait recevoir. Frank l'avait aimée sincèrement alors qu'elle était pauvre et abandonnée. Frank, qui avait toujours été l'héritier de Grahamsbury. Frank, qui, avec ses avantages personnels, son esprit et ses talents, aurait pu conquérir les sourires et les cœurs des femmes les plus belles, les plus nobles, les plus fières. Il lui était resté fidèle en dépit de tous les obstacles. Combien de fois pensa-t-elle à cette heure où, apparaissant soudain devant elle, il l'avait attirée sur son cœur. Ce souvenir avait nourri, alimenté son amour. Et maintenant, elle pouvait récompenser Frank de sa fidélité. Mais non, il trouverait sa récompense dans la tendresse, dans le dévouement de sa femme. Ce qu'elle possédait, elle le lui abandonnerait avec joie. Il lui était si doux de se dire que son amour pour lui ne causerait pas sa ruine, ni celle de sa famille. « Cher, cher Frank !» murmura-t-elle encore, lorsque, cédant enfin au sommeil, elle entra dans le pays enchanté des rêves. Mais elle ne rêva pas seulement de Frank. Que n'avait pas fait pour elle cet oncle qui lui avait témoigné plus que de la tendresse d'un père? Comment reconnaître tant de dévouement? Comment le payer de tant de soins? Le payer? L'affection ne se paie que par l'affection. Elle ne connaît pas d'autre monnaie. Ah, combien était douce pour Mary la pensée qu'elle ne serait jamais séparée de cet oncle bien-aimé. Quant au rêve du docteur, ni lui ni personne n'en surent jamais rien. « Eh bien, mon oncle, je crois que vous avez fait un petit somme, » lui dit Mary pendant la soirée, comme il s'agitait d'un air fatigué sur le sofa. Il avait dormi pendant 3/4 d'heure au moins, mais Frank, son hôte, n'en était nullement offensé. « Non, je n'ai pas positivement dormi, mais je suis fatigué. Je ne voudrais pas recommencer, Frank, alors même qu'il s'agirait de doubler sa fortune. Vous n'avez plus de thé, Mary ?» Le lendemain, Béatrice était de bonne heure avec son amie. Leur entrevue n'eut rien de contraint. Béatrice avait aimé Mary quand elle était pauvre, et quoiqu'elles n'eussent pas été d'accord sur un point essentiel, Mary était trop généreuse pour en faire un crime à Béatrice. « Vous en serez une, maintenant. Cela va sans dire, Mary. »« Oui, si Lady Arabella veut bien le permettre. »« Oh, Mary, vous le permettre. Vous rappelez-vous ce que vous disiez un jour à propos de cela ? J'y ai souvent pensé. »« Et maintenant, il faut que je vous parle de Caleb. » Et la jeune fille s'installa sur un sofa, avec l'intention bien évidente d'avoir une longue et délicieuse causerie. Béatrice ne s'était pas trompée, Mary fut avec elle aussi douce et aussi humble qu'une colombe. Puis arriva Patience Auriel. « Ma toute belle, ma chérie, ma superbe héritière !» dit Patience en l'embrassant. « La respiration m'a manqué, je suis restée tout abasourdie quand on m'a dit la nouvelle. Que nous allons être petits auprès de vous, je suis prête à vous encenser, mais je vous en prie, soyez un peu gracieuse pour moi. » En souvenir du bon vieux temps. » Mary la serra tendrement dans ses bras. « Oui, Béatrice, en souvenir du bon vieux temps, lorsque vous m'avez menée, sous l'ombre protectrice de vos ailes, à Richmond. » Patience aussi l'avait aimée dans l'adversité, et cette amitié, Mary ne l'oublierait jamais. Mais parlons de la première entrevue de Lady Arabella avec Mary. « Je crois que j'irai chez elle après le déjeuner, » avait dit Lady Arabella à Béatrice. « Je suis sûr qu'elle viendra elle-même, si vous le désirez, maman. »« Elle a droit à tous les égards, comme fiancée de Frank, » dit Lady Arabella. « Je ne voudrais pour rien au monde manquer à ce que je lui dois sous ce rapport. »« Frank ne demandera pas mieux qu'elle vienne, j'en suis sûr, » dit Béatrice. « Je me suis promis ce matin avec Caleb et il m'a dit, « Dans tous les cas, il faut que je la voie avant d'aller à Courcy. »« Allez-vous à Courcy, maman ?»« Sans doute, il faut que je voie ma belle-sœur. »« Vous ne paraissez pas vous rendre compte de l'importance du mariage de Frank, ma chère. » Il sera très impatient de se marier, et je ne puis vraiment l'en blâmer. Je suppose qu'ils viendront tous ici. Qui il est de Courcy ? Naturellement. Je serais très surpris si le comte ne venait pas maintenant. Et il faut que je consulte ma belle-sœur pour savoir si je dois inviter le duc d'Avry. Pauvre Mary. Et je crois aussi, continua Lady Arabella, qu'il vaudrait mieux avoir plus de monde à votre mariage. Je suis sûr que la comtesse consentira à venir maintenant. Ne pourrions-nous pas le remettre à une dizaine de jours plus tard ? « Une dizaine de jours, maman ?»« Oui, Cela nous conviendrait tout à fait. Je ne pense pas que cela conviendrait à M. Auriel, maman. Vous savez qu'il a pris tous ses arrangements pour les dimanches. Bon, les dimanches du pasteur pouvaient-ils compter pour quelque chose dans une affaire aussi importante que le mariage de Franck? Mais les jeunes époux auraient combien donc? Entre 12 et 14 000 livres sterling par an? Lady Arabelle avait fait et refait au moins 12 fois ses calculs pendant la nuit, et jamais elle n'avait pu arriver à un chiffre moins élevé que la seconde de ces deux sommes. Les dimanches de M. Auriel, en vérité. Après beaucoup d'hésitation, Lady Arabella se rangea de l'avis de sa fille et il fut décidé qu'elle attendrait Mary au manoir. Si vous croyez que cela ne lui fasse rien devenir, la première, dit-elle, je pourrais certainement la recevoir beaucoup mieux ici. Je serais mieux à même de lui exprimer ce que j'éprouve. Nous ferons bien de nous tenir aujourd'hui dans le grand salon. Prenez-en, Mrs. Richards, ma chère. Certainement, dit Mary lorsque Béatrice, d'une voix un peu tremblante, lui proposa de l'accompagner au manoir. Certainement, je suis toute prête, si Lady Arabella veut bien me recevoir. Seulement, Béatrice. Eh bien quoi, ma chère? Franck pensera que je me jette à sa tête. N'importe ce qu'il pensera. À vous dire vrai, Mary, je vais souvent avoir patience dans l'espoir de trouver Caleb. Tout cela est légitime à présent. Mary mit tranquillement son chapeau et se dit prête à suivre Béatrice. Celle-ci était un peu agitée et le montrait. Mary était peut-être plus agitée et ne le montrait pas du tout. Elle avait beaucoup pensé à sa première entrevue avec Lady Arabella et à son retour au manoir, mais elle avait résolu de se conduire comme si rien ne s'était passé. Elle n'aurait pas voulu donner à supposer qu'elle sentait que c'était elle qui ramenait le bien-être et l'opulence même à Greshamsbury. Tout le monde au manoir avait déjà appris la grande nouvelle. La vieille femme de la loge fit à Mary une profonde révérence, ainsi que le jardinier qui tondait le gazon de la pelouse. Le vieux sommelier aussi qui lui ouvrit la porte et qui, ayant sans doute épié son arrivée, avait mis une cravate toute blanche. « Dieu bénisse votre retour à Greshamsbury, » dit à voix basse le vieillard. Mary se sentit un peu troublée, car tout semblait s'incliner devant elle. Et dans le fait, pourquoi ne n'aurait-il pas été ainsi, puisqu'elle était la véritable propriétaire de Greshamsbury? Puis un domestique en livrée l'introduisit dans le grand salon. Cette réception cérémonieuse décontenança un peu les jeunes filles. Il n'était plus possible à Mary d'entrer dans ce salon comme elle l'eût fait 2 ans auparavant. Elle finit cependant par surmonter assez bien son embarras. « Maman, voici Mary, » dit Béatrice. Lady Arabella n'était peut-être pas moins embarrassée, quoiqu'elle eût étudié la manière dont elle devait se conduire. « Oh, Mary, ma chère Mary, que puis-je vous dire ?» Et courant à elle, elle cacha son visage sur l'épaule de la jeune fille. « Pouvez-vous me pardonner ma sollicitude pour mon fils, Mary ?»« Comment vous portez-vous, Lady Arabella ?» dit Mary. « Ma fille, mon enfant, la fiancée de mon Franck, oh Mary, si je vous ai paru peu affectueuse, ne l'attribuez qu'à mon anxiété pour lui. » « Tout cela est passé, » dit Mary. « Monsieur Gresham m'a dit hier que je serais reçu au manoir comme la fiancée de Franck, et vous voyez que je suis venue. » Et se laissant doucement glisser des bras de Lady Arabella, Mary s'assit d'un air modeste sur une chaise. Mais 5 minutes après, elle était avec Béatrice dans la chambre d'études où elle embrassait les enfants et examinait le trousseau de la future Mrs. Auriel. Elles furent bientôt interrompues dans cette agréable occupation et il y eut peut-être d'autres baisers que ceux des enfants. « Vous n'avez absolument rien à faire ici, Franck, » dit Béatrice. « N'est-ce pas, Mary ?»« Rien que je sache, » dit celle-ci, et il les laissa. Et c'est ainsi que Mary reprit ses anciennes habitudes au manoir de Greshamsbury. Lady Arabella ne mit pas à exécution son projet d'ajourner le mariage de Béatrice afin d'y ajouter quelque chose qui annoncerait celui qui devait le suivre de si près. Grâce à sa noble belle-sœur, elle put satisfaire ce désir sans préjudice pour les dimanches du pauvre M. Auriel, car la comtesse elle-même promit d'assister au mariage de Béatrice avec les ladies Alexandrina et Margaretta. Quant au mariage de Franck, il allait sans dire que tous les 2 Courcy y feraient acte de présence, comte et comtesse, lord et ladies, honorable George et honorable John. On ne pouvait en vérité faire trop d'honneur à une fiancée qui avait à elle seule 14 000 livres sterling par an et à un cousin qui avait si bien rempli son devoir envers sa famille en s'assurant une pareille fiancée. Si le duc est à Guthrum, je suis sûr qu'il sera charmé de venir, dit la comtesse. Naturellement, il parlera politique avec Frank. Je suppose que le squire ne s'attend pas maintenant à voir Frank appartenir au vieux torisme. Frank en jugera lui-même, Rosina. Vous savez, dans sa position... Ainsi qu'elle l'avait promis, Mary assista au mariage de Béatrice, non pas précisément avec la robe de guingan dont elle avait parlé dans le temps, mais il serait trop long de détailler sa toilette comme demoiselle d'honneur de Béatrice, attendu qu'il ne nous reste que quelques pages pour la fin de notre histoire, la liste des invités, le contrat de mariage et tout ce qui s'ensuit. Qu'on ne s'imagine pas que si Béatrice se maria un mardi, Mary en fit autant le mardi suivant. On ne dispose pas ainsi des héritiers riches de 14 000 livres de rente, et les jeunes gens qui remplissent leurs devoirs en épousant une fortune sont souvent obligés d'attendre. Frank en fit l'expérience. Ce ne fut que dans les premiers jours du printemps qu'il vit mettre le comble à son bonheur. Ce fut en vain que Mary essaya de réprimer l'ardeur de Lady Arabella pour faire grandement les choses. Elle se mariait chez son oncle et nous au manoir. C'était donc au docteur de faire les invitations, mais dans cette circonstance, il ne s'opposa nullement au désir de la grande dame qui fut maîtresse d'agir à sa guise. « Que puis-je faire ? » dit-il à Mary. « Voilà 2 ans que je la contrecarre en tout. C'est bien le moins de la laisser libre pour une chose d'aussi peu d'importance. » Mais le pauvre docteur n'avait pas encore vu la fin de ses ennuis avec les hommes de loi. Il y eut encore à cet égard bon nombre de pourparlers dont nous ferons grâce au lecteur. Il suffit de dire que Maître Slow et Bideawhile, de concert avec Sir Abraham, M. Snylam et une demi-douzaine d'autres légistes, attachèrent presque autant d'importance au contrat de Mary que Lady Arabella en mettait aux préparatifs de la noce. Mais il y eut un point sur lequel Mary finit par l'emporter. Elle consentit à tout ce que voulurent les hommes de loi, avec cette exception que tout ce qui avait primitivement appartenu au domaine de Greshamsbury serait rendu au dit domaine, non en perspective, dans la personne de ses enfants ou petits-enfants, mais immédiatement, et que Frank deviendrait maître de Boxall Hill de son propre chef, sauf à s'arranger avec son père relativement aux hypothèques sur Greshamsbury. Peu après Noël, Mary reçut la visite d'une personne que ni elle ni son oncle n'attendaient, mais dont ils avaient quelquefois entendu parler. C'était la célèbre Miss Dunstable. « Qui se ressemble s'assemble », dit à cette occasion Mrs. Rentaway, autrefois Miss Gushing. La nièce de l'entrepreneur, si on peut l'appeler sa nièce, et la fille du marchand d'Orvietan s'arrangeront très bien entre elles. Elles pourront au moins compter ensemble leur sac d'argent, répondit Mrs. Humbleby. Dans le fait, Mary et Miss Dunstable s'arrangèrent très bien ensemble. Miss Dunstable passa 15 jours à Greshamsbury et s'y trouva très heureuse, bien que quelques personnes, y compris Mrs. Rentaway, eussent répandu le bruit que le docteur, jaloux de la fortune de sa nièce, allait épouser l'héritière du baume du Liban. C'est ainsi que l'hiver s'écoula, bien lentement au gré de Frank, comme il le répétait souvent, et lentement peut-être pour Mary, quoiqu'elle ne le dît pas. C'était au mois d'avril que devait avoir lieu le grand événement, non pas précisément le 1er avril, car malgré le bon sens pratique du siècle, je crois que peu de fiancés choisiront ce jour-là. Mais un des jours de la première semaine d'avril avait été fixé pour la cérémonie, et pendant tout le mois de mars, Lady Arabella avait redoublé de zèle et d'activité. Il fut enfin décidé que le déjeuner aurait lieu dans la grande salle à manger du manoir. Lady Arabella fut à ce sujet dans un pénible embarras, car en faisant cette proposition, elle semblait faire peu de cas de la maison de la fiancée, mais quand elle soumit cette question à Mary, toute difficulté fut aussitôt aplanie. « Naturellement, dit celle-ci, toutes les chambres de notre maison ne pourraient contenir que la moitié des personnes dont vous parlez, s'il faut absolument qu'elles viennent. » Lady Arabella regarda Mary d'un air si suppliant que la jeune fille ne trouva pas un mot à répliquer. Il était évident qu'on ne pouvait se passer des invités, des de Courcy jusqu'à la 5e génération, du duc d'Evry, etc., etc., etc. Mais votre oncle ne sera-t-il pas fâché si nous avons le déjeuner ici? Il a été si généreux pour Frank que je n'oserais pour rien au monde lui faire de la peine. Si vous ne lui en parlez pas, Lady Arabella, il croira que tout s'est fait selon les règles, et il ne saura jamais, à moins qu'on ne le lui dise, que c'était à lui et non à vous de donner le déjeuner. « Vous croyez, ma chère ?» dit Lady Arabella en la regardant avec admiration. L'affaire fut donc arrangée au gré de Lady Arabella, et ce ne fut qu'un an ou deux plus tard que Mary apprit à son oncle qu'il avait manqué un de ses devoirs d'oncle. Et qui fut invité au mariage ? En premier lieu, nous avons déjà dit que le duc d'Evry y assista, et dans le fait, ce fut un pareil témoin qui rendit ce mariage si supérieur à tout autre dans le comté. Après la bénédiction nuptiale, la mariée se vit positivement embrassée par un duc. « Chère Mary, » s'écria Lady Arabella dans son ravissement. Il serait superflu d'énumérer tous les deux coursiers qui s'assirent au banquet. Il y avait le comte, qui fut très gracieux et qui parla au squire des affaires du comté, puis Lord Porlock, son fils, fort peu gracieux et ne parlant à personne, puis la comtesse qui, pendant la dernière semaine, n'avait fait que taper amicalement Frank sur l'épaule toutes les fois qu'elle avait pu réussir à s'emparer de lui. Il y avait aussi les ladies Alexandrina, Margaretha et Selina, souriant à tout le monde, et l'honorable George parlant tout bas à Frank de sa veuve. N'oublions pas non plus l'honorable John, prêt à faire sa cour à son cousin, ou pour mieux dire, à ses chevaux de chasse. Et Lady Amelia, trônant dans sa dignité et peu satisfaite de ses noces démocratiques. « Après tout, elle n'est rien, absolument rien, » dit-elle en confidence à Augusta en hochant la tête. Mais avant le départ de Lady Amelia, Augusta se perdait en conjectures sur les motifs qui pouvaient porter sa cousine à causer si longuement avec M. Gatsby. Puis l'évêque du diocèse et Mrs. Proudie étaient présents. Sa seigneurie avait insinué qu'elle condescendrait à donner la bénédiction nuptiale aux époux, si la famille le désirait. Mais un ancien ami des Gresham, l'archidiacre Grantley, avait déjà pris les devants et ce fut lui qui, avec l'assistance de M. Auriel, se chargea de célébrer la cérémonie. Tous les Baker et tous les Jackson furent aussi au nombre des invités. On avait enfin profité de la circonstance pour éteindre les derniers tisons de la discorde qui avait si longtemps séparé le docteur Thorne du reste de sa famille. Les Thorne d'Eula Thorne avaient fait plusieurs tentatives de réconciliation et notre docteur les avait toutes repoussées. « Ils ne voudraient pas recevoir Mary comme leur cousine, » avait-il dit, « et je n'irai nulle part où elle ne peut aller. » Mais tout cela était changé. Mary, devenue Mrs. Gresham, serait certainement reçue dans toutes les meilleures maisons du comté. Et c'est ainsi que M. Thorne, Eula Thorne, vieux garçon aimable et populaire, vint à Greshamsbury avec sa vieille sœur, Miss Monica Thorne, qui avait bien le meilleur cœur qu'on pût trouver dans tout le Barsetshire et qui, comme cousine, offrit à Mary un petit présent. Je n'ai pas besoin de dire que Patience figurait au nombre des demoiselles d'honneur. C'était charmant de voir le petit air de matrone qu'avait pris Béatrice et de l'entendre donner des conseils à son amie. Mais quelques mois de mariage opèrent un si grand changement dans le caractère. Miss Dunstable fut aussi une des demoiselles d'honneur. « Oh non !» avait-elle répondu à Mary quand celle-ci le lui avait demandé. « Vous ne devriez avoir que de jeunes et jolies personnes. » Mais elle avait cédé en voyant que Mary ne cherchait pas à la flatter en lui disant qu'elle possédait l'un ou l'autre de ses avantages. « La vérité est, avait-elle dit, que j'ai toujours été un peu amoureuse de votre Frank. Aussi je cède tant pour lui que pour vous. » Les deux autres demoiselles d'honneur étaient les deux sœurs jumelles. Je vois qu'il ne me reste pas même une demi-page pour décrire la toilette de la mariée, mais ne la trouvera-t-on pas minutieusement détaillée dans les colonnes du Morning Post ? C'est ainsi que Frank épousa une fortune et qu'il devint un personnage important. Espérons qu'il sera heureux. Le dénouement de notre histoire est trop récent pour qu'il nous soit possible de parler de sa future carrière. D'après les dernières nouvelles que j'ai reçues du Barsetshire, il paraît tout à fait décidé qu'il va prendre la place d'un des anciens membres du Parlement à la prochaine élection générale, et l'on ajoute qu'il n'y a aucune probabilité d'opposition à cet égard. J'ai aussi entendu dire qu'il a eu plusieurs conférences au sujet de la chasse avec différents gentilshommes du comté, et l'on croit généralement que la meute retournera sous peu à Boxall Hill. Car c'est à Boxall Hill que s'établit le jeune couple à son retour du continent, et cela me rappelle que j'ai encore un mot à dire au sujet de Lady Scatcherd. « Maintenant vous serez toujours avec nous, » lui dit Mary en lui prenant la main et en la regardant affectueusement. Mais l'excellente femme n'y voulut pas consentir. « J'irai quelquefois vous voir, » dit-elle, « vous et mon cher enfant, cela me fera du bien. » Et tout fut définitivement arrangé lorsqu'elle se décida à louer le joli cottage de Mrs. Opie Green afin d'être dans le voisinage du docteur Thorne, Mrs. Opie Green ayant épousé quelqu'un. Et de qui nous reste-t-il encore à parler ? Il va sans dire que Patience a trouvé ou trouvera aussi un mari, chère Patience. Ce serait mille dommages qu'une aussi charmante femme fût perdue pour le monde. Je ne puis dire si Miss Dunstable, ou Augusta Gresham, ou M. Moffat, ou aucune des ladies de Courcy, à l'exception de Lady Amelia, se marieront jamais. Sous ce rapport, l'avenir est encore un secret pour tous, mais je puis certifier que Brigitte a épousé Thomas. L'admiration de Lady Arabella pour Mary est toujours la même, et de son côté, Mary se conduit admirablement envers sa belle-mère. Un autre événement est attendu, et Lady Arabella témoigne encore à cet égard presque autant de sollicitude que pour le mariage. Une affaire d'aussi grande importance dans le comté, vous savez ? A-t-elle dit tout bas à Lady de Courcy. Rien ne pourrait être plus satisfaisant que les rapports du squire et de son fils. Nous ne sommes pas informés de l'exacte nature de leurs arrangements, mais nous savons que le démon des embarras pécuniaires n'étend plus ses ailes sur le domaine de Greshamsbury. Et maintenant, un dernier mot pour notre docteur. Si vous ne venez pas dîner avec moi, lui dit le squire lorsqu'ils se virent tous deux abandonnés, rappelez-vous que j'irai dîner avec vous. Et c'est d'après ce principe qu'ils paraissent se conduire. Le docteur Thorne continue à étendre sa clientèle à la grande indignation de son confrère Philgrave, et quand Mary lui donne à entendre qu'il devrait se retirer, il lui pince toujours les oreilles. Il connaît cependant mieux que jamais le chemin de Boxall Hill, et admet volontiers que le thé y est presque aussi bon qu'à Greshamsbury. Ainsi s'achève le docteur Thorne du merveilleux conteur Anthony Trollope.